Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD face à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docks. Aujourd'hui, la cathédrale de Jean Linard, un patrimoine de notre humanité. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a des clichés. Le douanier Rousseau qui s'invente seul, son béret sur la tête et sa palette à la main. Mais au-delà des images, il y a des choix, des vies quotidiennes, des rituels ou pas, des artistes en devenir, un marché de l'art, la postérité et ce que nous fait l'art brut dans sa force et sa naïveté. Alors pour commencer, les personnages. Un artiste qui n'est plus là, une femme qui tâtonne, une galeriste qui regarde, une femme qui a beaucoup reçu, un homme admiratif et un journaliste qui se souvient. Ensuite, le décor, des arbres et des chants d'oiseaux, des mosaïques, de la terre, du lierre et des mousses, une maison, une architecture anarchique, de la spiritualité et l'art brut. Aujourd'hui, dernier épisode, on cherche une présence. Le lieu un peu vide, même très vide. Pourtant il y a plein de sculptures, mais c'est bizarre ce lieu sans gens. Mais je pense qu'il est quand même quelque part au-dessus. J'entends toujours le son là de la des pierres sur l'aluminium, c'est magnifique ça, le son des cloches, le son du vent. Ça c'est très poétique, c'était l'univers de Jean, ça. C'était vraiment. Ça c'est fabuleux. Ça invite à la rêverie. C'est toujours aussi magique parce que, en plus, aujourd'hui, le soleil à travers les arbres, là, à travers le feuillage, c'est magnifique. Puis finalement, rien n'a bougé. J'ai cette sensation. Il manque juste Jean, j'aimerais bien qu'il soit là. Là. Cathédrale de Jean Linard, un patrimoine de notre humanité. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. Il avait tellement d'admiration pour Gaudi, pour Picassiette, pour Facteur Cheval, pour tous ces gens de l'art singulier. Il m'a montré tellement de choses de cet univers, il m'a tellement raconté de choses. Des poésies aussi, parce qu'il était énormément poétique lui-même par sa façon d'être, par sa façon d'agir. Ses mains déjà étaient poétiques, il avait des très grandes mains, on aurait dit des oiseaux qui s'envolaient quand il travaillait. C'était la grande liberté. Et ça j'ai adoré justement, ça m'a beaucoup appris sur la liberté de créer justement, le fait d'aller là où on a envie d'aller. Sans que ça passe trop par le mental, par la tête. D'ailleurs, lui, il n'avait pas de limite. Hein. Il était aussi capable de faire sa cathédrale, ses sculptures, que de passer le lendemain au bol, que de faire des tableaux. C'est marrant, chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de découvrir d'autres sculptures. Il y en a tellement que j'ai l'impression qu'il en a fait pendant, pendant cette année, ces deux années, pardon. Au début, c'était une friche, une carrière abandonnée depuis 1914, que j'ai achetée en 61. Alors, la première maison que j'ai faite, si tu veux, tu voyais rien de la route, hein, parce que c'était envahi d'arbres, de ronces, de bosses, de trucs, tu vois. Puis j'ai eu le coup de foudre pour ce lieu, pour construire, quoi. Au cœur de cette cathédrale, à ciel ouvert. Comme il disait, la cathédrale la plus haute du monde. Ah, les arbres commencent à pousser même dedans, là-haut. Mais c'est beau, le fait que la végétation commence à envahir cette cathédrale. Oui, il y a les mousses qui commencent à prendre, hein, sur les mosaïques. Et puis le lierre là qui risque de pas mal abîmer la cathédrale là. Je sais pas ce que ce lieu va devenir, mais je souhaite de tout cœur qu'il reste aussi beau, aussi magique. Et vous êtes entré dans l'atelier ? Y'a pas moyen de faire la sieste, quoi. Bon, ben, je vais vous montrer le four où qu'il est. Toi, tu démarres avec un petit peu de gaz. Il faut quand même en mettre un peu, puis là, tu coupes l'air. Voilà, c'est un atelier très très sombre. Et là, on voit qu'il n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Il y a une odeur de cave, une odeur de renfermé, qui n'était pas du tout celle-là. Et le four est là-bas, le four est dans l'autre pièce, là-bas. Alors là, j'ouvre l'air. Alors c'est une terre avec de la chamotte et du tinc dedans, ce qui permet de résister au choc thermique, tu vois, on peut y aller carrément, tu as vu, tu démarres à fond, tu fais ça avec une terre normale, tu pètes tes pots, quoi. Et c'est une terre qui résiste parce que déjà je vais la sortir, tu vois, je vais la mettre 5 minutes dans la sciure, puis après je vais la foutre dans l'eau, tu vois. Avec n'importe quelle terre, tu pètes tout, quoi. Voilà. Et puis aussi le matin, le rituel du matin qui était fabuleux, en dehors du fait d'allumer le poêle, quand il rentrait de balade en forêt tous les matins, il s'asseyait dans son grand fauteuil, il ouvrait la Bible, il lisait un passage, souvent l'évangile de Jean, c'était peut-être son favori, et c'était un petit peu la phrase à méditer pour la journée, la phrase de, une espèce de conduite de... pour le travail de la journée, pour la création de la journée. Ça, c'était fabuleux. Pour moi, c'était complètement hors du monde. Mais un monde fascinant. Non, mais moi, j'ai toujours été... j'ai été élevé dans une famille, disons... moi, j'étais enfant de cœur quand j'étais gamin, tu vois. Et puis, à 20 ans, tu vois, sorti des siennes, j'ai complètement bifurqué. Je me suis inscrit au Parti communiste, tu vois. Je vendais l'humanité. Et puis, bon... moi, je suis toujours dans le fond communiste, mais croyant. Ben, le jour où les communistes ils seront croyants, ils ont rendez-vous. Hein. Il leur manque une dimension, tu vois. Bon. J'ai peut-être réussi à finir de manger ça. Attention, derrière toi. Ah ouais. Non, mais avec Danilo, on va le faire. Mais ce que je veux, c'est qu'il tourne là pour qu'on puisse la mettre là. Parce que je voudrais qu'on mette le cirque bien en avancé, comme ça. Le cirque il est à vendre et puis la grande sculpture non. Et ben voilà. Je regarde le nettoyage qu'on a fait la semaine dernière, quand même ça a porté ses fruits. Hein. C'était tout noir les granats. Donc ça c'est tous les gardiens du temple, il les a baptisés les gardiens du temple. En fait il faisait ces grandes sculptures, lui ce qu'il aurait aimé c'était les vendre hein, au fur et à mesure. Mais bon, ça, on n'en vendait pas une tous les jours. Donc après il les a installés là, il en a installé tout en haut. Et ça c'est vraiment c'est la dernière période de sa vie, ses dernières créations. Tous ces grands personnages. Pourquoi cette pièce est couchée? Parce qu'il y a eu, je pense, un grand coup de vent, ou parce qu'elle était mal posée, et qu'on va la redresser d'ailleurs avant qu'elle soit couverte. Et que comme c'était fermé, ben on s'est dit que, bon, comme elle n'était pas stable, il y en a une ou deux comme ça qu'on a laissé coucher. Mais voyez, il y a eu de la tempête, il y a eu tout ça. Regardez, il n'y a pratiquement rien qui tombe. Parce que aussi on est dans une espèce de creek, on est protégé. Hein. Enfin, le lieu est protégé. Quand il y avait eu la grande, grande tempête, on n'a rien eu. Donc voilà. On va repasser par là, parce que là, ça va être fermé, je pense. Ça, c'est l'arbre qu'on a planté le jour où on a mis ses cendres là-haut. Parce qu'il avait fait sa tombe, il y a sa tombe là-haut. Je trouve que c'est rigolo parce qu'il y a sa date de naissance, mais c'est tout. Un jour, il est arrivé, il m'a dit « j'ai fait ma tombe ». Ça m'a fait bizarre quand même. Hein. Et puis, quelques temps après, il m'a dit « j'ai fait ma tombe, mais en fait, je ne veux pas être enterré parce que si je veux revenir boire un coup de censeur, je ne pourrai jamais soulever la pierre. Donc, tu me fais incinérer, puis voilà ». C'était quelqu'un qui était tellement passionné par la vie, passionné. Il se levait le matin et voilà, la vie était belle, la vie était magnifique. Il m'a redonné le goût de la vie. C'est pas rien quand même. Hein. Voilà. Puis moi, je lui ai donné autre chose, sûrement. Il disait que j'étais son point d'ancrage. Donc voilà. C'est vrai que j'étais en admiration devant lui, je trouvais ça fabuleux, quoi, quelqu'un qui avait tellement d'inspiration, tellement d'imagination, puis tellement de réalisation permanente, quoi. C'était tout le temps. Il se levait le matin, il avait des idées plein la tête, et hop, il allait tout de suite mettre en œuvre ce qu'il avait en tête. Explique-nous voir un peu, raconte-nous pourquoi t'as ces couleurs-là sur les fenêtres, à les portes. Ben, c'est des taches de couleur, oui. Non, comment c'est venu? Tu te rappelles pas? Tu veux que je te souffle? Oui. Tu t'es réveillé un matin, tu m'as dit j'ai fait un rêve. Ah oui, c'est souvent des rêves que je fais pour travailler le lendemain. Je pense la nuit aussi. Puis ça peut être aussi un fond de peinture pour le jaune. Puis après j'ai plus de jaune, alors j'ai une boîte de rouge, je mets du rouge. Il vivait pour ça. Hein. Il vivait aussi bien pour ce qu'il faisait au niveau de la terre, en peinture, en sculpture, que pour sa construction, ses constructions, que ce soit la maison, que ce soit la tour, que ce soit la cathédrale. Bon, les 26 dernières années de sa vie, c'était surtout la cathédrale. Et c'était sa raison de vivre. Et il y avait, voilà. Bon, il était passionné, il faisait du jardin, il adorait le sport, mais à la télé. Mais il en avait fait quand il était jeune, il était costaud. Hein. Pas gros, mais résistant. Il adorait aller voir des expositions à Paris, il adorait les bouquins sur la sculpture, la peinture, l'architecture. Mais l'essentiel de sa vie, c'était ce qu'il réalisait, ce qu'il faisait, quoi. Les expositions de Picasso à Paris, moi, ça m'a toujours bouleversé. C'est sûr que j'ai une tendance à aimer aussi beaucoup les constructeurs de l'imaginaire, comme le facteur Cheval, que j'ai été voir 5-6 fois. Picassiette, quand je vais à Paris, je m'arrête toujours, j'ai toujours un choc devant ce boulot. Il est présent, il est... tu vois. Un type qui était balayeur au cimetière et qui, avec des bouts d'assiettes, il a fait un truc superbe. Il y a Tata aussi à côté de Laval. C'est tous des chocs que j'ai rencontrés, des gens comme ça qui me plaisent, tu vois. Bonjour. Je me suis fait attendre, je crois bien. Pas grave. Je vais regarder juste un petit instant, j'arrive. Transport des œuvres. Oui, merci. Agnès Delannoy, vous êtes directrice des musées de Bourges. Vous préparez la première grande exposition en fait, aussi de Jean Linard depuis sa disparition en février 2010. Qu'est-ce qui vous a accroché, attiré dans ce lieu? Alors, je suis arrivée en février 2011 à Bourges. Je ne connaissais pas l'œuvre de Jean Linard. J'en avais jamais entendu parler. Et c'était un matin, en feuilletant la presse locale, j'ai vu un article sur la cathédrale, sur les difficultés rencontrées pour sauver le site, etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'ai téléphoné à Anne-Marie Linard, j'ai pris rendez-vous, je suis venue voir. Enfin, c'est passé comme ça. Alors, professionnellement, je suis un peu habituée à m'attendre un peu à tout parce que on reçoit beaucoup de propositions de tout genre dans les musées, on est toujours très sollicité et il y a une espèce de méfiance hein, quand même. Et alors je suis arrivée par la route et puis j'ai vu ces sortes de piliers avec des bouteilles de Sancerre vides enfilées sur des tiges. Je sais que ça. J'ai commencé à m'inquiéter. Et puis, en fait, au-delà de l'humour, de la provocation, un peu aussi, dès qu'on fait quelques pas, on pénètre dans un univers magique, extraordinaire. Dès qu'on rentre dans les pièces de la maison, dans les coulisses de l'atelier, que l'on voit l'accumulation de ce travail accompli autour de toute une vie. Là, j'ai senti qu'il y avait réellement une œuvre, un travail, une expression artistique consciente et quelque chose qui dépassait de loin la simple curiosité ou anecdote sur le bord de la route. D'abord, l'artiste s'est installé ici, il a construit sa maison, une première pièce, une espèce de cahute, de ses mains. Et puis, au fil du temps, au fil du développement de son travail, de l'accroissement de sa famille, de l'accroissement de sa notoriété, de l'approfondissement aussi de sa pensée, de son esthétique, de ses convictions, eh bien, les choses se sont développées d'une manière organique, en s'infiltrant dans les plis du terrain, en mettant en valeur le relief du sol, qu'il s'agisse de la sorte de cascade qui est au fond du jardin, ou le revêtement de mosaïques et les œuvres suivent complètement le relief, ça s'imbrique entre les sousses d'arbres, la mousse, les feuillages. Ce n'est pas très grand, c'est fait à la mesure de ses mains. Les plafonds sont bas, les toits sont bas, on peut mettre la main sur le toit. Si on caricaturait, ce serait la maison de Blanche-Neige, mais c'est bien autre chose. Ce qu'il me fallait, c'est une maison, la première, là. Et puis l'atelier, j'avais fait tout de suite un atelier avec des poteaux et des tôles. L'hiver, c'était pas idéal, quoi. Et puis l'idée de la cathédrale, c'était un projet qu'on a... Avec Armand, on voulait faire ça à Lormeau-Loup, à Sancerre. Et on avait été voir Janton, le conseil municipal, c'était pas triste, hein. Le conseil municipal à Sancerre, avec Armand, puis deux, trois loubards qui voulaient faire une cathédrale à Sancerre, les mecs, ils disaient, les gars, c'est pas possible. Ils avaient des problèmes d'égout, des problèmes de pinard, de vente, tu vois. Les mecs, ils arrivent, une cathédrale, vous avez un permis, vous avez un plan. Non, une création, il n'y a pas besoin de plan. Hein. L'idée, c'était de travailler avec plein de mecs, collaborer, tu vois, se connaître plus, tu vois, tous les gens disponibles pour faire, une fois par semaine ou deux, une construction religieuse, enfin, ouais. Un thème religieux. Déjà, travailler ensemble, c'est déjà religieux, toi. Si on connaît les gens. Et puis en définitive, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc de travailler avec les autres. Je voulais tout diriger, puisqu'il me fallait, c'était des esclaves, quoi. Et c'est là que j'ai dit, je vais faire la cathédrale chez moi. Et puis, il a acheté un peu plus de terrain. Tout ce terrain où nous sommes. Et puis, eh bien, un beau jour, c'était très symbolique, ça aussi, parce que je suis venu là avec des jeunes de l'aumônerie de Cône. C'était la veille de Pâques, et on s'est mis à défricher ce lieu en vue de la construction, avant les premières pierres. Voilà. Père Armand Lahaute. Mais ça remonte à 84, 85, 80, je ne sais plus. Nous étions un petit nombre d'amis à nous être associés à son projet. Pour nous, dans ces temps d'après 70, c'était difficile de dire Dieu, de penser Dieu même. Alors, moi, peut-être ce qui m'a convaincu, enfin, ce que je me suis dit, là, le soir où il m'a parlé de son projet, j'ai écrit sur mon cahier que c'était peut-être lui un lieu pour dire Dieu, où Dieu pouvait se dire. Mais en dehors de tout ce qui l'encombre dans nos traditions, dans toutes nos complications aussi. Alors voilà, ça s'est fait petit à petit. Voilà, donc il a commencé. On a quelques photos de l'époque où il a commencé à construire. Et on avait un copain architecte qui venait et qui disait « Mais je comprends pas, tu fais des triangles, mais et ça tient ?» Mais moi, je ne peux pas faire des trucs comme ça, ça ne tiendrait pas. Ben, Jean, il ne se posait pas de questions. Il avait décidé que c'était comme ça. Il n'y avait pas de plan. Pff, vous rigolez. La maison, il a eu le permis quand elle a été terminée. Hein. Non, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de dessin. Et puis, il faisait ça et il ne savait pas ce qu'il allait faire après. Mais quand il avait fait ça, il avait une idée et hop, il continuait. Ben, j'ai commencé le premier triangle dans le fond, là-bas en pierre, où en ce moment il pousse du lierre. Et j'ai laissé le lierre un petit peu inspiré des temples hindous où la nature, elle prend le dessus sur la construction et cette verdure sur la pierre. Bon, il faut que je la taille un peu parce qu'elle monte jusqu'en haut, elle cache les petits faîtages. Mais c'est le premier triangle que j'ai fait, sans savoir où j'allais aller. Le triangle qui peut symboliser la Trinité, la porte étroite, tout ça. Puis petit à petit, j'ai rajouté autour de ce triangle des éléments en béton et que j'ai habillé de carreaux de couleurs de plus en plus, des bleus, des jaunes, des couleurs qui chauffent, quoi. Et l'idée, c'est que la cathédrale, elle rentre dans mon atelier, tu vois. C'est un acte d'amour, tu vois, la cathédrale. Et je mets des tuiles qui gèlent, tu vois. Je fais des chats, des anges, des chats avec des oiseaux sur la queue, des gargouilles, tout ça. Tu vois la couleur qui vient petit à petit dans mon atelier. Tu vois, ça rentre. Regarde les vitrons. C'est dans des roues de vélo. Ils sont plus beaux que les vitrons de Chartres, mes vitrons. Regarde, et tu peux les enlever. Et alors, les éléments qui tournent, là, les éléments qui tournent, c'est des pattes de verre de Brillat. Tu vois, ça brille beaucoup plus. Tu vois, la terre, c'est beaucoup plus mat, là. Regarde comme c'est beau, le Brillat. C'est autre chose, hein. Là, tu as les évangélistes, Matthieu, Jean, Luc, Paul. Et là, vous avez le chemin de croix. Jésus est condamné à mort, il porte sa croix, il tombe. Puis vous voyez, la base, souvent les poteaux ont des bases lourdes. Ici, elles sont fines. Et l'épaisseur du poteau se trouve en hauteur. Et puis alors, regardez le ciel, le toit de la cathédrale, quand vous voyez les arbres au-dessus, là-bas, qui... Allez. Et puis ce grand ciel, mais qu'on peut cadrer comme on veut. Chacun le cadre à sa manière. Et puis tout bouge. Il suffit qu'on bouge un peu, puis tout est changé déjà. Et puis là, vous repensez à la phrase de Jean. Alors c'est Jean Linard, mais c'est Jean l'évangéliste aussi. Le vent, vous le voyez ici, là. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Thank you. Ce matin, on a filmé la cathédrale de Bourges. Oui. Si tu compares les deux, la tienne et celle de Bourges, qu'est-ce que tu dis? La mienne est beaucoup plus grande. C'est de l'orgueil, peut-être, je sais pas. Elle est beaucoup plus haute, le toit. Il y a toute la lumière. À Bourges, il n'y a pas de péché dans la cathédrale. C'est noir, c'est triste. Elle est belle, hein, mais enfin, bon, il y a la pierre à nettoyer aussi. Hein. Faut le faire. Elle est pas mal. Elle est belle, oui. Mais enfin, c'est le 12e. Hein. Moi, c'est une cathédrale... Ben, je sais pas, hein, mais je remarque une chose, c'est que les gens sont assez contents de... Quand ils sortent, ils me disent c'est... ça leur plaît. Pourquoi? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, non? C'est-à-dire, la foi, pour lui, c'était déjà c'était un acte de foi de faire cela. Un acte d'amour, puis un acte d'espérance aussi sûrement, donc c'est les trois éléments constitutifs de la foi chrétienne, si on veut. Je crois que cette cathédrale est structurellement chrétienne, et en même temps foncièrement ouverte. Donc je crois que là, il y a comme un défi, et pour moi, enfin, si je me suis engagé avec lui dès le début dans ce projet, c'est que je pressentais qu'il y avait quelque chose comme ça, qui était une chance inouïe, qu'on ne pouvait pas se soustraire à cette entreprise. Oui, il y avait une puissance créatrice. Alors pour moi, c'était ça. Il y avait en lui une puissance créatrice. Et en même temps, une vérité qui pouvait aller avec la mauvaise foi, tout ce qu'on veut, mais une vérité de ce qu'il habitait, de ce à quoi il consacrait. Il donnait sa vie, finalement. Voilà. Je pense que c'est une belle image de ce que nous pouvons être les uns et les autres quand nous sommes habités par... parce qu'on appellerait la vocation peut-être, hein, par le don, enfin, quelqu'un appelle ça le don propre, le don de chacun. Mais il va témoigner de plus grand. Il disait, nous sommes des petits quand même à côté de ça, quand tu vois le soleil, quand tu vois toute la création. Nous sommes des petits créateurs, il disait, voilà. Et la plus belle célébration a été certainement celle de... l'adieu à Jean Linard. On a célébré l'adieu à Jean Linard dans cette cathédrale. Voilà. Et ce jour-là, il y avait de la neige. Et c'est au-dessus que ces cendres ont été répandues. Et chez les potiers, les cendres deviennent de l'émail. Vous le saviez ? Voilà. Donc ça peut être aussi une belle image de résurrection. Alors Anne-Marie Linard, vous avez vécu pendant... 37 ans. 37 ici. Ans ici. Ouais. Et quand vous vous êtes retrouvée seule, après sa disparition en février 2010, à quoi vous avez songé pour le lieu? Eh ben, j'ai commencé par aller voir le maire de Neuville, qui m'a dit clairement que, de toute façon, il ne pouvait rien faire. Ensuite, avec Daniel Chotard, on est allé voir Alain Festin, donc président du Conseil Général, qui m'a dit oui, que le lieu était beau, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, mais qu'ils n'avaient pas d'argent. Et puis à un moment, bon, bah, on s'est dit, de toute façon, avec les enfants de Jean, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'entretenir, on ne peut pas le faire vivre, donc on le met en vente. Patrick Martina, vous vous souvenez de votre première visite ici, dans la cathédrale de Jean Linard? Vous êtes journaliste... au Berry Républicain, ouais. Et correspondant du Monde. Et Jean Linard était mort en janvier 2010 et on a voulu venir au printemps suivant parce qu'on savait que ce lieu était fermé pour savoir ce qui était devenu. On a fait la visite donc avec Anne-Marie Linard juste après l'hiver. C'était en friche. Il y avait certaines sculptures qui étaient plus ou moins renversées, surtout vers l'amphithéâtre. Et puis surtout, quand on est arrivé à la cathédrale, on a vu des pans de mosaïque qui étaient tombés. Ce qui m'avait frappé, c'est un des contreforts. Voilà, ici. Vous voyez, ces deux pièces là. Et quand on est arrivé, il y avait tout ce pan de céramique qui était tombé au pied. Et on est tombé d'accord que c'était pas possible, il ne pouvait pas y avoir un autre hiver quoi, qui passe. Donc à partir de là, j'ai fait une double page avec des photos en disant que la cathédrale Linard était en danger. L'été est passé, Anne-Marie Linard m'a rappelé en septembre et elle m'a dit on vend la cathédrale. Et donc j'ai refait une double page en disant bon, mais cette fois-ci la cathédrale est à vendre. Et j'ai proposé un papier au Monde. Et c'est passé en tête de page, dans la page culture, et c'est à ce moment-là que ça a tout déclenché. Les gens m'ont contacté. Et c'est devenu national et international. C'est-à-dire qu'il y a un type comme Patrick Bolland qui a fait une pétition, qui d'ailleurs a terminé sur le bureau du ministre, Frédéric Mitterrand, qui viendra après. Et ça a enclenché pas mal de choses, quoi, voilà. Est-ce qu'il avait le souci de la pérennité du lieu ? Un peu, oui. Ouais. Des fois, il se demandait, il disait, mais ça, je me demande ce que ça va devenir quand je serai plus là. Et alors lui, son truc, c'était, faudrait que ce soit classé. Et moi, je pense que dans son idée, le fait que ce soit classé, ça voulait dire que ce serait entretenu, visité, et voilà. Et, mais bon, après, c'était pas le genre à faire des démarches pour ça. Hein. C'était pas son truc. Bah, c'est vrai que tout à la fin de sa vie aussi, là, je me souviens un jour, il m'a dit « Bon, bah, écoute, ça deviendra ce que ça deviendra. Hein. » C'est quelque chose qui doit être ouvert au public, donc qui doit être pris soit par une fondation, soit par une association, soit par un groupe de mécènes, soit acheté par quelqu'un qui aura envie de la faire vivre. Je trouve que c'est une dimension... C'est pas, je sais pas comment dire, ça a une dimension collective, voilà. Jean, il a fait ça, au début c'était pour lui, et très vite les gens lui ont dit, mais nous on voudrait visiter. Donc après, tout de suite, il a ouvert, alors qu'il n'y avait pas tout ça, hein, mais il a tout de suite ouvert au public. Donc voilà. Il va y avoir une solution, ça j'en suis sûre. Puis Pierre Linard, là-haut, il va nous filer un coup de main parce que je lui ai dit, il n'a pas tout à fait fini. Il a fini sur terre, mais il n'a pas fini son boulot. C'est très étonnant parce que le grand public connaît, par exemple, ces lieux sont visités. Les gens viennent voir, mais moi, je ne suis pas un expert, mais je pense que cet art est considéré jusqu'à maintenant comme secondaire. On ne sait pas trop où le mettre. Mais c'est un lieu qui il est emblématique de lieux qui sont en danger. On ne sait pas quoi en faire. Quand ça se revend, par exemple, il y a eu plusieurs lieux comme ça, les nouveaux propriétaires disent oui, on va entretenir. Puis au bout de quelques temps, ils n'entretiennent pas, ou ils détruisent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Séné qui a fait tout un catalogue des lieux. Et en quelques années, lui, il avait photographié une quarantaine de lieux. Au bout de peu de temps, il y en avait 18 qui avaient disparu, enfin, et 12 en danger. Donc c'est des lieux, on ne sait pas quoi en faire, quoi. On a des choses qui sont plus fragiles. Dès qu'il y a de la mosaïque, c'est plus fragile. Le plus lourd qu'on va avoir à emmener, c'est... Il y a une espèce de grand fauteuil là-bas, noir. Il y en a qui sont d'un seul tenant et c'est plus lourd à l'intérieur. Il faudrait carrément être 4, grosso modo 2 devant, 2 derrière, et même un chariot à roulettes, il n'y a rien qui passe. Messieurs, dames, bonjour. J'ai eu quelqu'un au téléphone. C'est moi. C'est vous. C'est vous avec l'engin. Voilà. Alors vous voyez, on a ça comme chariot. Alors déjà, quand on a des endroits comme ça, c'est déjà pas terrible. Sur le côté, on a la petite partie, on a pu en ramener un petit peu, mais on perd trop de temps, quoi. Et où est-ce qu'il est, le gars de chez Chotard? Parce que... Il est là, avec la casquette. D'accord. S'il vous plaît. Bonjour. Bon, j'ai un truc à vous demander. Donc là, ils ont besoin pour déménager, là, de transporter des pièces avec un tracteur avec une petite bennette derrière. Oui. Et alors j'ai un tracteur, oui. Un petit Renault. Oui. Est-ce que vous pourriez le conduire ? Bien sûr. Bon. peut-être faire un petit tour. Oui, ça se passe bien. Ouais, mais on n'avance pas. Ah. Il va falloir qu'on puisse monter, monter, on va vous expliquer. D'accord. Anne-Marie Linard dit « Jean aimait la vie ». Et effectivement, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour du vivant que l'on trouve être le fil de toute son œuvre, dont il traque les moindres expressions depuis le début de ses études. Nous allons présenter d'ailleurs quelques dessins d'étudiants qui sont des études de plantes, de papillons, d'insectes, de coquillages, jusqu'aux tuiles décoratives qui sont sur le toit de sa maison et de son atelier, et où les sortes de plantes qui fleurissent, qui débordent des moindres anfractuosités, se mêlent à son travail. Et donc, en réalité, il y a la touche de l'artiste qui donne sa place aux petites plantes, aux petites feuilles. Et tout cela forme quelque chose où la création de l'homme et l'expression du vivant naturel s'imbriquent, se mêlent. Et me semble-t-il, c'est une démarche tout à fait originale et en réalité très moderne, très contemporaine. Donc la rouille, on la maîtrise pas, elle s'installe partout. Et là, au dévissage, même avec une bombe, on a une bombe, vous voyez là, pour dégripper, pour qu'on puisse dévisser. Sinon, on casse le boulon, c'est pas bon. On peut pas casser le boulon à ras la tête. Ouais. Et vous voyez le terrain. Le cadre est génial, mais bon, si les œuvres, on comprenait, sont tout de suite à notre proximité, ce serait moins délicat, mais on les a en haut d'une falaise, là, avec un ravin au pied de la falaise, donc j'ai passé à la limite du voisin, entre les moutons et les vaches, quoi, pour arriver jusqu'ici. Et vous, il y a des souches, il y a des cailloux, il y a un petit peu tout par terre. Hein. Le but c'est qu'on en mette plusieurs, oui, on a des tendeurs aussi. Ouais. On va faire un semi provisoire à ce moment-là, regarde. Allez, là c'est l'emballage de ferraille. Attends, t'appliques pas trop. C'est moins. Le beignot il peut être un tout petit peu incliné après. Ouais. Cette partie-là, on n'est pas obligé de brancher comme ça. Oui, mais il l'a machiné. Ouais, on va les poser parce que monsieur m'a dit qu'il n'y avait pas de frein à main. Mais... C'est ça qui fait office de frein à main en fait. Ah oui, bah je dis d'accord, ok, pas de problème. Ce qui est assez extraordinaire pour moi, c'était le moment où je me suis rendu compte, mais finalement, toutes ces œuvres, toutes ces figures qui peuplent cet environnement, enfin une grande partie d'entre elles, sont réalisées avec de la récupération, de la ferraille, des portes de garage, des devants de tracteurs, des lames, des outils. Bon. Certains sont en eux-mêmes brutaux. On met la main dessus, ça coupe. Ce sont des objets qui étaient au rebut et qui ne sont pas faciles à manipuler. Et une fois qu'ils sont assemblés par Jean Linard, on oublie complètement leur nature matérielle et ce qu'ils créent devient une œuvre douce, pleine de tendresse, de douceur, d'humour, de sensibilité. Et l'incroyable sensibilité qui est dans son travail et qui donne cette poésie aux objets qu'il fabrique avec, avec trois fois rien... C'est aussi une touche absolument exceptionnelle. Alors évidemment, si on regardait un peu rapidement, on se dirait « Ah oui, la récupération de la ferraille, etc., ça a déjà été fait avant lui. Il y a Tinguelier, il y a Nikita Safal, il y a les nouveaux réalistes. » Enfin, bon, il est pleinement de la génération des nouveaux réalistes. Et quand il était à Paris dans les années 60, il est évident qu'il a entendu parler de leur travail. Bon, mais ce qu'il fait ici, une fois de retour au pays, si je puis dire, c'est bien à lui et cet univers serein, tendre, fantaisiste, eh bien, c'est Linard, c'est pas autre chose. Ah, oui. Thank you. Marie-Anne Cyr, vous êtes inspectrice générale des monuments historiques. Vous avez découvert fin janvier 2012 la cathédrale de Jean Linard. Quelle a été votre impression en découvrant le lieu ? C'était une vraie émotion parce que l'aspect était un petit peu ombrageux ce jour-là, plutôt sous un ciel très obscur. Et il y avait un côté totalement inattendu dans ce que j'ai vu ce jour-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on a découvert avec la veuve de Jean Linard, qui en plus nous a fait vivre les lieux en nous racontant comment il s'était peu à peu mis en place et comment son mari, donc le céramiste Jean Linard, avait inventé pendant plus de 30 ans une cathédrale totalement originale. Et du coup, il a imaginé une cathédrale avec un autel, en rendant hommage en plus à ceux pour lesquels il avait une admiration immense, qui étaient pour lui des messagers de paix, donc à Mandela, à la sœur Teresa. Donc on trouve dans ce parcours cathédrale tout un parcours personnel qui méritait vraiment d'être compris, d'être vu. Le lieu a été inscrit au monument historique. Alors c'est un chef-d'œuvre, pas tout à fait comme les autres, mais c'est un chef-d'œuvre tout de même. C'est un chef-d'œuvre d'art brut, parce qu'en fait, à l'occasion de cette rencontre, on a compris qu'on avait là un parcours personnel d'artiste un peu en dehors des sphères artistiques habituelles, qui a travaillé tout seul, mais qui a travaillé comme certains autres que l'on connaît, le créateur de la maison Picassiette à Chartres, ou bien sûr le facteur Cheval, qui est vraiment peut-être le pionnier, je pense, de cette famille d'hommes qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui travaillent dans le même esprit, en ayant une réinvention des matériaux, une mise en scène très personnelle des choses, qui connaissent l'architecture mais qui la réinventent à chaque pas, et surtout pour Jean Linard qui l'intègre au paysage, parce que c'est vraiment ce que les spécialistes d'art brut appellent un habitant paysagiste. Il a construit sa cathédrale au milieu des arbres en s'intégrant à l'environnement. Tu as fait une maison avec une cour intérieure ronde, tu avais prévu au départ ou pas ? Une cour intérieure carrée. Carrée, pardon, oui. Tu avais prévu ou pas ? Non, la première maison je l'ai faite dans le fond. Puis après, j'ai rajouté un autre élément. Et puis après, j'ai tourné comme ça. C'était logique, hein. Il y avait le terrain, j'étais obligé de tourner puisque c'était la butte. Tu peux pas faire autrement. Peut-être que le terrain à la butte aurait été plus grand, j'aurais fait plus grand. Mais là, j'étais coincé avec la butte. J'ai tourné autour. D'accord. Donc, un monument historique fait de matériaux de récupération, c'est assez rare. Oui, ça nous pose un problème en termes de conservation. C'est pour ça que ça a suscité chez nous un vrai débat, parce que nous aimons les constructions qui ont une chance d'être pérennes. Devant la construction de Jean Linard, j'avoue que la question de la commission régionale qui a eu à se pencher sur l'intérêt justement de cet ensemble a été: est-ce que nous pouvons pérenniser un lieu fait de matériaux de récupération sans plan, sans trace écrite, sans document préalable, sans état des lieux ? Et c'est pour nous c'est un challenge un peu ces lieux-là, parce qu'il faut inventer une nouvelle méthode. J'imagine pour la commission supérieure qui est amenée à statuer sur un dossier comme celui-là, le type d'interrogation que cela peut représenter, parce que se mêlent à la fois les réflexions esthétiques, artistiques, historiques, et puis les préoccupations financières et matérielles. Et donc, pour les responsables qui ont quelques centaines de cathédrales, d'édifices, de châteaux à entretenir, à sauvegarder, à transmettre, que l'on doit à tout prix préserver, ajouter à la liste des charges potentielles que tout cela représente, la sauvegarde de quelques ferrailles de récupération, ça peut, par certains côtés, apparaître scandaleux, si on allait jusqu'au bout. Pour autant, c'est bel et bien une œuvre de l'esprit, c'est bel et bien une conception authentique, unique, et qui répond à des préoccupations et qui exprime bien l'esprit d'une époque, notre époque. Et à ce titre-là, c'est complètement justifié de le préserver et de chercher à le transmettre. Mais ce n'est pas facile. C'est une décision difficile, parce qu'effectivement, c'est fragile, c'est délicat. Et tous les esprits ne sont pas forcément prêts à accueillir ce type de travail. Mais si on ne le fait pas maintenant, il est certain qu'on nous le reprochera plus tard. Bonjour. on a 4 monuments d'art brut classés et 4 inscrits à ce jour. Donc sur nos 42 500 monuments protégés, c'est vraiment une toute petite minorité. Face à la cathédrale de Jean Linard, nous avons une inquiétude, c'est qu'elle est en vente. Donc les propriétaires actuels, qui sont donc la veuve de Jean Linard et ses enfants, ont souhaité qu'il y ait transfert de propriété et sont à la recherche d'un acquéreur. L'avenir du lieu est incertain. On peut observer que sur les monuments d'art brut actuellement protégés, ils sont en fait tous propriétés des collectivités locales, ce qui a permis de construire un projet. Il est plus difficile d'avoir cette disponibilité-là auprès d'un propriétaire privé qui, quelquefois, a besoin de surface pour s'agrandir, a besoin de mettre parfois le lieu à sa sensibilité personnelle. Donc, c'est plus compliqué. Donc, tous les lieux qu'on connaît, Maison Picassiette à Chartres, ça a été l'engagement de la ville de Chartres, Maison du Petit Palais à Saint-Dizier, c'est la commune de Saint-Dizier qui a porté les projets, ou Autrive, c'est Autrive chez le facteur Cheval. Donc, les collectivités territoriales, dans cette démarche d'art brut, ont leur rôle à jouer et le jouent très bien sur les lieux déjà protégés. La plupart des courants dans l'art contemporain expriment de l'angoisse, traduisent les peurs de notre époque. Et là, on a un artiste qui a travaillé de ses mains, qui a touché la terre de ses mains, le fer et la céramique et quelques autres choses aussi, et qui, au lieu de rentrer vraiment dans les circuits du marché de l'art, eh bien, se contente de vendre quelques poteries aux gens qui passent. Donc, effectivement, ça peut suffire à ce qu'il ne soit pas catalogué parmi les grandes sont-temps qui expriment quelque chose de notre époque. On peut dire que je suis un peu vigneron, pour pas en parler à Chotard, parce qu'il paraît que mon vin, il n'est pas terrible, mais moi, je le trouve bon. Enfin, bon, ça dépend des jours. Et puis, je fais du jardin. On met des rats, on met des haricots, on met des salades, j'aime bien ça. En ce moment, je fais des grands personnages en fer et mosaïque, avec des carreaux que je colle. Et puis aussi, je fais toujours des animaux, des tuiles avec des animaux, enfin, un tas de choses comme ça, des poupées avec des racines. Je fais toute une série qui joue au football, des poupées qui marquent des buts. On joue avec les pieds, les poupées, puis les bras, puis le corps, c'est une racine. Et il y a des formes fabuleuses. Le problème que Jean Linard nous pose, c'est qu'il bouscule les gens par sa quiétude, par sa stabilité, par son amour du vivant, par sa sérénité, finalement. Et ça, c'est un choc quand on arrive ici. Là, Julien, milieu sur un siège. Ça, déjà. On y va ? C'est bon, ça roule ? Il a la tête d'un poète, il vit sur une autre planète, dans un monde au milieu des bois. Il cuit des petits bouts de terre, et ça devient de la lumière dès qu'il les passe sous ses doigts. Il est un peu grognon, un peu bourru et quelque peu anard. Mais une chose est sûre, c'est que sur Terre, il n'y a pas de Jean Linard. Il prend jamais la peine de se coiffer, il vit que pour son art. Ce que je sais surtout, c'est que Jean aime bien le pinard. Son atelier est un bordel où sont entassés pêle-mêle des corps de poupées mutilées qui donnent une jambe et qui crèvent, qui filent leurs yeux à ses rêves oubliés sur son râtelier. Il est un peu grognon, un peu bourru et quelque peu roublard. Mais une chose est sûre, c'est que sur terre, y a pas de Jean Linard. Il prend jamais la peine de se raser, il vit que pour son art. Et ce que je sais surtout, c'est que Jean aime bien le pinard. Y a une fille qui vit avec lui, qui l'engueule s'il dit des conneries, qui lui tape souvent sur les doigts. Qui garde les pieds sur terre, pour pas qu'il aille dans la stratosphère, pour pas qu'il dise n'importe quoi. Mais même s'il est grognon, s'il est bourru, même s'il était tanard, elle sait mieux que personne que sur terre, y avait qu'un Jean Linard. Maintenant qu'il a fait son baluchon, je suis sûr qu'il se marre. Espérons tous ensemble que Saint-Pierre lui filera du pinard. C'était Cathédrale de Jean Linard, un patrimoine de notre humanité. Avec Annie Doréfis, Anne-Marie Linard, Agnès Delannoy, Armand Lahotte, Patrick Martina, Marie-Anne Cyr et la voix de Jean Linard, chantée par Julien Girard. Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Benjamin Vignal. Attaché de production, Christine Gedge et Félix Courty. Merci à Elodie Linard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani. Plasticien, graveuse, vidéaste, autodidacte, sculpteur, peintre du dimanche ou dessinatrice, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens, replay et podcast, pour l'amour de l'art, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons écouter les transclasses. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.